quel intérêt pour un fournisseur d'énergie d'inciter ses clients à consommer moins ? L'intérêt général. Chez Plume Énergie, nous savons qu'il est urgent d'accélérer la décroissance énergétique. Alors, nous faisons tout pour que nos clients dépensent le moins possible notre énergie, pourtant 100% verte et 100% française. La décroissance énergétique, pour certains, c'est le monde à l'envers. Pour nous, c'est le monde de demain. Plume Énergie. Verte, locale, d'intérêt général. L'énergie est notre avenir, économisons-la, vraiment. C'était la grande annonce d'astronomie de la rentrée, la découverte de traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. La phosphine étant sur Terre le dérivé de réactions biologiques, il n'en fallait pas plus pour que les médias s'emballent et évoquent la présence de traces de vie sur Vénus. L'emballement dissipé, la causalité défaite, nous voulions nous intéresser à ce que l'on appelle donc les biosignatures, ou plus exactement les bio-indices. Comment chercher des indices d'activité biologique à la surface d'autres planètes, qu'elles soient proches comme Mars ou Vénus, ou lointaines comme celles du système Trappiste. Biosignature, il y a quelqu'un, c'est le programme Habité qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aller donc traquer les traces d'activité biologique dans ces différentes régions de l'univers et imaginer celles que l'on pourrait trouver demain, peut-être, pourquoi pas, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline Fraissinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse CNRS en astrochimie au laboratoire Latmos à Guyancourt. Et Sylvain Bernard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, géochimiste à l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie de Sorbonne Université, du Muséum national d'histoire naturelle et CNRS. Mais on commence avec l'actualité scientifique du jour et donc le deuxième prix Nobel de la semaine dans le journal des sciences et avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et donc le prix Nobel de physique 2020 est un prix Nobel en astronomie. Il revient à l'astrophysicien britannique Roger Penrose. L'autre moitié du prix revient à un duo, l'allemand Richard Genzel et l'américaine Andrea Ghez. Oui, c'est un prix Nobel qui récompense les pionniers et les pionnières des trous noirs supermassifs. Andrea Ghez en est que la quatrième femme à recevoir ce prix depuis sa création en 1901. Je féminise tout du coup. Allons-y. Alors l'existence des trous noirs était suggérée par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. En 1965, ce sont les calculs de Roger Penrose sur la formation des trous noirs qui confirment cette idée. Il démontre que c'est une conséquence de la relativité générale et que la plupart des galaxies logent en leur centre un trou noir supermassif. Alors, la difficulté avec ces objets, c'est que la lumière ne peut pas s'en échapper. Donc, les télescopes ne peuvent pas les observer directement, vu qu'ils n'émettent pas de lumière. Et c'est là que Reinhard Genzel et Andrea Ghez interviennent dans les années 90 et 2000. Ils sont les premiers à apporter des preuves indirectes de l'existence de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée. Astrid Lambert est chargée de recherche à l'Observatoire Nice-Côte d'Azur et membre de la collaboration Virgo. Ce qu'ils sont allés faire, c'est qu'ils sont allés faire des observations très très précises du centre de notre Voie lactée. Et ils ont suivi comment les étoiles bougeaient. En quelque sorte, c'est comme si on regardait le système solaire, mais sans le Soleil. On observait juste le mouvement des planètes. On permettrait de comprendre qu'au milieu, il doit y avoir quelque chose de la masse du Soleil. Parce que sinon, les orbites qu'on verrait seraient complètement différentes. Et donc, c'est avec cette méthode qu'ils ont pu déterminer qu'au centre de la Voie lactée, il devait y avoir quelque chose qui fait environ 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que les orbites sont tellement petites, c'est quelques fois la distance entre la Terre et Pluton, donc c'est vraiment pas grand. Donc ils se sont rendus compte que toute cette masse devait être dans un tout petit espace, et la seule solution, c'est qu'il y a un trou noir. La difficulté en plus au centre galactique, c'est qu'il y a beaucoup de poussière autour, et en plus, Sagittarius A étoile, il est pas très actif. Là, on observe des trous noirs entre galaxies qui sont très actifs, et donc du coup, on observe de l'émission X, on observe de l'émission radio, on voit plein de choses. mais celui dans notre galaxie, il n'a pas cette activité-là. Donc les preuves indirectes qu'on avait n'étaient pas très fortes. On avait quand même un gros soupçon. Mais donc la première vraie preuve qu'on a, c'est effectivement par cette méthode de la mesure des mouvements des étoiles. Il y a deux difficultés. C'est que d'un côté, il faut des très bons instruments, des très bons télescopes pour faire les observations. Mais en plus, vu qu'on suit des orbites des étoiles, il faut qu'elles aient le temps de se déplacer. Et même les orbites les plus courtes, c'est une quinzaine, une trentaine d'années, donc il faut quand même du temps pour faire ces mesures. Et donc ensuite, au début des années 2000, c'est Andrea Ghez qui, elle, a utilisé les télescopes du Keck à Hawaï, qui à l'époque faisait partie des meilleurs du monde, et qui a fait des observations plus précises et qui a pu faire une détermination plus fine de la masse. En plus, la technique qu'elle a utilisée, c'est ce qu'on appelle l'optique adaptative, qui permet, on va dire, de se débarrasser un peu des effets de l'atmosphère de la Terre qui brouillent les images, et donc d'avoir des images beaucoup plus nettes. Et donc, elle a une vidéo d'ailleurs où elle montre d'abord l'image brouillée. Franchement, on n'y voit pas grand-chose. Et puis, en utilisant sa technique, les étoiles deviennent des tout petits points très nets et on les voit bouger. Enfin, c'est absolument impressionnant. Je comprends qu'au début, elle n'y est pas cruellement tellement. C'est beau. Voilà, demain, ce sera le prix Nobel de chimie dont on vous tiendra évidemment informé. Puis, on reviendra certainement sur ce prix Nobel de physique cette année, jeudi, puisque nous aurons le plaisir de recevoir une voix que vous connaissez bien si vous êtes fidèles auditrices ou auditeurs de la méthode scientifique. C'est celle de Françoise Combe, qui est médaille d'or du CNRS 2020 et qui sera donc notre invitée après-demain. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans Nature Medicine, l'immunité protectrice contre les coronavirus serait de courte durée. Le SARS-CoV-2 appartient à la grande famille des coronavirus. Cette équipe internationale a examiné 4 souches de coronavirus saisonniers qui provoquent des infections des voies respiratoires. Ils ont analysé les échantillons sanguins de 10 patients en bonne santé, des échantillons collectés pendant 35 ans, tous les 3 à 6 mois. Ces 513 prélèvements montrent, via les taux d'anticorps, que les infections saisonnières à coronavirus se produisent fréquemment, environ tous les 12 mois. Alors, il est difficile de tirer des conclusions quant à l'immunité acquise face au SARS-CoV-2, d'autant que cette étude présente des limites, notamment avec une si petite cohorte. Mais selon ses auteurs, je cite, « la réinfection peut être une caractéristique commune à tous les coronavirus humains ». La Suède prépare une nouvelle génération d'éoliennes, des éoliennes en bois. Et l'entreprise suédoise Modvion développe ses tours d'éoliennes pour produire une énergie totalement neutre en carbone. Elles sont plus écologiques et moins coûteuses que celles en acier et en béton, qui nécessitent d'énormes quantités d'énergie pour leur production et pour leur transport. Les prototypes font 120 mètres de hauteur, ils sont aussi performants que les modèles standards. Une tour en bois peut fournir chaque année de l'électricité pour environ 1000 ménages. L'entreprise espère développer une production commerciale dès 2022. Et enfin, selon une prépublication sur le site Archive, une planète rogue, vagabonde, oui. Traverse notre galaxie. Les rogue planètes, ce sont des planètes vagabondes qui se sont décrochées de l'emprise gravitationnelle de leur étoile et qui errent dans l'espace. Elles sont par conséquent peu lumineuses et donc quasi invisibles. Une équipe internationale annonce en avoir découvert une dans notre Voie lactée, un objet d'une masse équivalente à la Terre. Elle a été détectée à l'aide d'une micro-lentille gravitationnelle à très courte échelle de temps. Comme un objet de faible masse ne courbe pas beaucoup la lumière, cette micro-lentille n'a duré que 41 minutes. Ce papier doit encore être validé par les pairs, mais par ailleurs, d'ici 2025, ce sera l'une des missions du télescope spatial Nancy Grace Roman détecter plus précisément les planètes errantes de notre galaxie. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences et donc pour le prochain prix Nobel scientifique de cette saison 2020. Il y a des extraterrestres sur Vénus, en extrapolant un peu, c'est à peu près le gouffre dans lequel de nombreux médias ont plongé après l'annonce de la découverte de phosphine ou hydrure de phosphore, un gaz inorganique mais produit sur Terre par des micro-organismes. De là à dire qu'il y a des bactéries dans les nuages de Vénus, il n'y a qu'un pas, écoutez. Avec ses températures proches des 500 degrés et ses pluies d'acide sulfurique, Vénus semble être un enfer. Et pourtant, il pourrait y avoir des traces de vie dans l'atmosphère de cette planète où il fait beaucoup moins chaud. De la phosphine a été détectée. C'est un gaz toxique qu'on trouve sur Terre en petite quantité à l'état naturel. Ici, sur Vénus, il pourrait s'agir de microbes vivant dans les gouttelettes des nuages. Ce qu'espèrent les scientifiques, c'est en tout cas que cette découverte relance l'exploration de cette planète un peu délaissé. Voilà, des traces de vie, c'est aller un peu vite en besogne. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est un peu emballé, Caroline Frayssinet. Ah, on s'est beaucoup emballé. La communauté européenne scientifique a ouvert de grands yeux quand on a vu cette conférence de presse qui parlait justement de vie. On n'en est pas du tout là. On en est déjà initialement à essayer de confirmer que la présence de cette phosphine est avérée sur Vénus, puisque c'est un résultat qui n'est pas sûr, qui est vraiment aux limites de l'instrumentation qui est utilisée. Donc en première approche, il faut confirmer la présence de cette phosphine sur Vénus. Et ensuite, en deuxième approche, il faut évaluer tous les phénomènes possibles qui vont pouvoir permettre la présence de cette phosphine et les évacuer tous au niveau chimique avant de pouvoir parler de biologie. Donc on est très très loin de présence de vie sur Vénus. Je ne sais plus, peut-être que vous vous en souviendrez, quel astrophysicien disait pour avant d'arriver à une trace de vie, ce serait tellement exceptionnel qu'il faut accumuler des preuves exceptionnelles. On n'en est pas là, c'est-à-dire que pour le moment, c'est l'indice éventuellement et qu'il faut continuer vraiment à creuser, Sylvain Bernard. Ouais, et puis c'est le raisonnement en lui-même qui est trompeur en fait. Les auteurs de cette étude, alors bon, effectivement, c'est ce que disait Caroline, déjà faut prouver qu'on a de la phosphine, effectivement. Faut la tester. Mais quand bien même on en a, les auteurs de l'étude ont dit, on a de la phosphine, on sait pas du tout comment la former autrement que par la vie, et donc potentiellement il y a du vivant. Et ça, c'est en fait complètement prendre à l'envers la démarche scientifique qui nécessiterait ce que disait Caroline Fraissinet juste à l'instant, de faire attention et de prendre en compte tous les processus qui ne font pas intervenir le vivant. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait très récemment. Là, il y a des auteurs qui ont montré que les processus magmatiques, volcaniques sur Vénus pouvaient expliquer cette phosphine dans l'atmosphère. C'est-à-dire d'imaginer que la vie, ça doit être vraiment la dernière conclusion quand on a réussi à écarter à peu près tout le reste. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, il y a des auteurs, alors c'est pour chercher des traces de vie dans les roches terrestres, mais qu'on décrit, qu'on développait cette hypothèse qu'ils appellent l'hypothèse nulle. L'idée étant que tant qu'on n'a pas prouvé qu'on ne peut pas former autrement ce qu'on observe autrement que par le vivant, on ne peut pas dire que c'est du vivant. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle l'hypothèse nulle. Et ces auteurs, en fait, l'ont pris un peu à l'envers en disant bah, on connaît pas de processus, donc c'est potentiellement du vivant. Et c'est tout sauf une démarche scientifique rigoureuse. On a beaucoup entendu parler donc de biosignature. C'était d'ailleurs un peu le titre de cette émission. Mais même déjà, le terme biosignature, hein, Caroline Fraissinet, c'est déjà un terme un peu fort. C'est un terme fort et c'est un terme très ambigu. Finalement, il y a autant de définitions de biosignature qu'il y aura de personnes à qui vous allez demander cette définition. Et on rentre directement dans le vif du sujet avec cette phosphine, puisque la phosphine, il y en a sur Jupiter en quantité et elle n'est pas considérée comme une biosignature parce qu'on connaît des processus chimiques qui vont l'expliquer. Donc cette même phosphine qui peut... Même si pour l'instant ça reste à prouver, cette même phosphine qui pourrait être considérée comme une biosignature sur une certaine planète ne l'est pas sur une autre. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h13, nous parlons donc de biosignature en astrophysique. De quoi s'agit-il exactement? C'est ce que nous allons tâcher de regarder, d'examiner aujourd'hui en compagnie de Caroline Fraissinet et de Sylvain Bernard. Alors, peut-être que biosignature, on parle de bio-indice. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça recouvre exactement, cette terminologie, Sylvain Bernard? Une biosignature, par définition, c'est une signature du vivant. Donc c'est quelque chose, c'est un signal, ça peut être une forme particulière, ça peut être une chimie particulière, mais c'est quelque chose qui est formé par le vivant. Et donc quand on observe, quand on mesure une biosignature, on sait, sans aucun doute possible, que c'est la vie qui l'a formée. Et dans l'idée, en fait, on n'a aucune biosignature. On n'a rien qui ne peut pas être formé autrement. On n'a rien qui peut n'être formé que par le vivant. Donc en fait, le terme même de biosignature, il est très pratique, on s'en sert beaucoup pour expliquer ce qu'on cherche, mais en fait, on n'en a jamais trouvé pour le moment. On ne sait pas ce que c'est. Ça recouvre des choses aussi différentes que des traces de gaz dans l'atmosphère, concentrés ou des condensés dans des roches ou dans du régolithe. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des signaux radio. Enfin, c'est extrêmement vaste, extrêmement polysémique, en fait. C'est extrêmement vaste et finalement, la définition de la biosignature, c'est pas quelque chose de concret. La biosignature, c'est plus un concept. C'est plus un ensemble d'indices qui vont tous pointer dans la même direction qui va être expliqué par le vivant. Et c'est donc une même molécule peut être biosignature selon le contexte, peut ne pas l'être dans un autre contexte. Une même molécule peut être biosignature si elle a une certaine abondance et ne pas être une biosignature dans une autre abondance. Donc c'est tout un contexte et un ensemble d'indices qui vont permettre de dire que tel phénomène, telle particularité provient du vivant ou non. Donc, la biosignature, c'est un concept. C'est pas quelque chose qui a vraiment une définition stricte. Ça apparaît, ce concept-là, il apparaît quand à peu près? C'est dans l'histoire du XXe siècle qu'il y a une date, à un moment donné, où on commence à dire c'est ce que nous cherchons quand on va observer, quand on va faire de la spectroscopie ou quand on écoute l'espace. Non, je saurais pas vous dire parce qu'en fait, ça fait des années qu'on cherche des traces de vie dans les vieilles roches sur Terre et qu'on cherche donc des biosignatures, tout en sachant pertinemment effectivement que c'est un concept et qu'en fait ça n'existe pas, on cherche quelque chose qui n'existe pas. Et donc on en finit à parler de biosignature potentielle, ce qui prouve bien que ça n'a aucun sens, parce que une biosignature potentielle, soit c'en est une, soit c'en est pas. Et donc, bon, bah voilà. On peut dire bio-indice peut-être ? Alors, c'est pareil, je suis pas particulièrement fan de ce mot, parce qu'en fait il est très orienté. Quand on dit bio-indice, c'est qu'on a un indice vers la bio, alors qu'en fait, ce qu'on a, c'est des données, c'est des observables, c'est des formes, c'est des signaux chimiques. Et donc, en fait, on a même bio-indice, c'est un mot qu'il faut faire très attention quand on l'utilise. Bon, on va utiliser par convention, voilà, biosignature au cours de cette heure, en ayant posé les précautions épistémiques nécessaires. Ce qui est intéressant, c'est que cette notion de biosignature, elle est souvent liée à une autre notion qui a aussi été un peu malmenée ces dernières années, qui est la notion de zone d'habitabilité. Karine Fraissinet, aujourd'hui, pareil, cette notion de zone d'habitabilité, elle fait encore sens ou est-ce qu'on peut l'abandonner une bonne fois pour toutes ? Alors la notion de zone d'habitabilité, comme elle avait été initialement définie, celle-là, elle est abandonnée dans la communauté. C'était une zone ni trop proche ni trop loin de son soleil qui permettait d'avoir de l'eau liquide en surface d'une planète et donc de rendre cette planète habitable. On se rend compte au fur et à mesure des découvertes qu'on peut avoir des océans sous une couche de glace, par exemple sur les satellites de Saturne et de Jupiter, et que ces océans en sous-surface ne sont pas dans cette zone d'habitabilité d'un système solaire. Donc le concept de zone d'habitabilité, il est à exclure aujourd'hui. Par contre, on a le concept d'habitabilité. Et le concept d'habitabilité, c'est d'avoir un environnement passé ou présent, qui regroupe au même endroit, au même moment, des conditions propices à l'apparition de la vie et que ces conditions soient stables dans le temps. Donc la présence d'eau liquide, la présence de molécules organiques, donc de briques du vivant, la présence d'un pH relativement neutre, d'une acidité pas trop, ni trop acide ni trop basique, et tout ça stable dans le temps pour permettre aux molécules de s'assembler, à la chimie de se former et à aboutir à une forme de biologie. Et le rover Curiosity, qui est maintenant sur Mars depuis 2012, qui fonctionne toujours aujourd'hui, a pour mission non pas de rechercher la vie, comme ça a pu être dit à certains moments, mais de rechercher l'habitabilité passée de Mars dans le cratère dans lequel il a atterri. C'est intéressant parce que cette liste de critères, donc l'eau liquide, des éléments carbonés, alors on va pouvoir éventuellement préciser ça, hein. Cette liste-là, elle est évidemment c'est une liste miroir de ce que l'on comprend de l'apparition de la vie sur Terre, et même ça encore, Sylvain Bernard, on n'est pas sûr de la comprendre tout à fait. C'est un peu, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu anthropocentré, ou est-ce que la seule vie qu'on connaisse à l'heure actuelle, elle est sur Terre. Mm-hmm. Donc effectivement, quand on parle de zone habitable ou d'environnement habitable, c'est habitable pour la vie telle qu'on la connaît, pour la vie terrestre. Après, on cherche aussi, hein, on réfléchit à ce que pourrait être la vie telle qu'on la connaît pas, c'est-à-dire la vie, une vie différente de la vie sur Terre. Il y a des études, hein, qui sont sorties récemment, notamment, pour essayer de définir ce que pourrait être la vie telle qu'on la connaît pas. Et en fait, c'est très compliqué aussi parce que on la connaît pas, tout bêtement. Est-ce qu'il y a une sorte de d'éléments, de liste, de course entre guillemets minimale pour passer d'une chimie abiotique à une chimie probiotique ou quelque chose comme ça qui élargirait un peu la notion d'apparition de la vie comme on la connaît sur Terre? Alors la notion d'apparition de la vie, elle est symptomatique de là où on en est, c'est-à-dire qu'on utilise le mot apparition. Et en fait, bon, c'est pas une apparition, c'est des processus chimiques qui, à un moment, on finit par donner le vivant. Et si on parle encore d'apparition, c'est bien qu'on a un problème, c'est qu'on sait toujours pas, en fait, hein, comment la vie commence à exister. On sait toujours pas sur Terre ni où, ni quand, ni comment elle a commencé à exister. Donc on est encore loin d'avoir la recette. C'est intéressant parce que vous disiez finalement les recherches de biosignatures, on en fait sur Terre particulièrement, c'est-à-dire que dans la roche, on cherche aujourd'hui des traces de vie, d'être capable de dire, et c'est compliqué puisque avec la tectonique, etc., on sait qu'on a peu accès à des roches très anciennes, mais on cherche aujourd'hui des biosignatures sur Terre. C'est ça, l'idée étant, c'est ce qu'on vient de dire, hein, d'essayer de comprendre comment, quand et où la vie a commencé à exister sur Terre. Donc on a quelques vieilles roches à la surface de la Terre, qui sont des roches qui ont plus de 3 milliards et demi d'années, et qui ont potentiellement enregistré les toutes premières formes de vie sur Terre. La difficulté, c'est ce que vous disiez, c'est que ces roches, elles ont subi une histoire géologique compliquée, et tout ce qu'elles contiennent a été transformé au cours des 3 milliards et demi, 4 milliards d'années d'histoire géologique. Donc en fait, on cherche à déchiffrer un enregistrement qui est pas si clair que ça. Et quelles sont les méthodes justement de recherche et d'analyse de ces très très anciennes roches qu'on possède en très très petit nombre en fait, hein. Oui, il y a très peu de roches en fait. Donc c'est quelques roches qu'on en a en Afrique du Sud, on en a en Australie, on en a au Groenland. On en a un peu partout, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des techniques qui sont des techniques assez classiques de la minéralogie. D'une part, on essaie de comprendre ce que sont ces roches, ce qu'elles ont subi comme histoire. Ça, on y arrive assez bien. Et puis, on essaye de regarder ce qu'elles contiennent en termes de fossiles, de micro-fossiles, donc des fossiles de micro-organismes, de bactéries. On essaye de mesurer le contenu en carbone organique, en molécules organiques. Et à nouveau, la difficulté, c'est de comprendre si ce qu'on trouve dans ces roches, c'est des traces du vivant ou pas. Est-ce qu'il y a des éléments justement aujourd'hui objectifs, il y a une sorte là aussi de grille de lecture qui permet de discriminer ce qui relèverait d'éléments d'origine biologique, d'éléments au contraire abiotiques, Karine Fraissinet ? Oui, tout à fait. Et une même molécule pourrait provenir du vivant ou pourrait provenir du chimique. Prenons l'exemple de l'acide aminé. L'acide aminé, ce sont les constituants des protéines dans les systèmes vivants terrestres. Mais les acides aminés se retrouvent aussi formés de manière totalement chimique. On en retrouve sur les météorites qui tombent sur Terre, qui n'ont rien à voir avec une formation biologique. Et ces acides aminés, selon l'angle sous lequel on le regarde, on va pouvoir discriminer une origine biologique d'une origine abiotique. Donc non biologique. C'est-à-dire sur la chiralité ? Exactement, la chiralité. Donc la chiralité, c'est la propriété qu'ont certaines molécules d'exister sous deux formes miroirs. Et les acides aminés ont cette propriété. On va avoir la forme gauche, la forme droite. Dans tous les systèmes vivants, les acides aminés n'existent que sous forme gauche. Dans un système chimique, les acides aminés existent sous 50% de forme droite, 50% de forme gauche. Donc typiquement, on va non seulement aller rechercher des acides aminés sur d'autres planètes, mais on va également regarder cet effet miroir et si on trouve un excès d'un côté ou de l'autre de la forme qu'on appelle énantiomérique, donc miroir de ces acides aminés, ça sera un indice en faveur d'une origine biologique de ces acides aminés. C'est un des indices qu'on va aller rechercher pour rechercher des traces de vie sur d'autres planètes. Les énantiomères gauches étant liés au vivant tel que nous le connaissons. Ouais, c'est toujours le cas. C'est toujours le carcan dans lequel on se trouve. C'est qu'on n'a pas d'autre exemple de vie que la vie telle qu'on la connaît. Donc, C'est aussi pour ça que je disais, quel que soit l'excès énantiomérique qu'on trouve, qu'il soit gauche ou droit, ça sera un indice en faveur d'une origine biologique. Et c'est justement, même si on est enfermé, comme dit Sylvain, dans ce carcan de l'anthropocentrisme vis-à-vis de la vie, on va essayer de rechercher des signatures qu'on appelle agnostiques, donc c'est-à-dire des signatures qui vont être communes à toute forme de vie telle qu'on peut l'imaginer et pas uniquement telle qu'on la connaît. Et cette chiralité en fait partie parce qu'on sait que si on a une construction moléculaire de plusieurs molécules identiques comme les acides aminés qui vont former des protéines par exemple, ce système sera plus stable s'il utilise une seule des deux formes miroirs, que ce soit la forme gauche ou la forme droite. Donc on peut imaginer qu'une molécule complexe biologique extraterrestre sera également formé principalement, voire uniquement, d'une des deux formes miroirs. Il y a d'autres éléments justement comme ça de signature agnostique qu'on peut relever, ce qui serait un peu le plus petit dénominateur commun en quelque sorte. Oui, mais on va rechercher également des schémas chimiques. Donc, c'est-à-dire que quand on va rechercher des molécules comme les acides carboxyliques, donc sur Terre, on va retrouver ces acides carboxyliques, ce sont les membranes lipidiques des bactéries ou des cellules. Ces acides carboxyliques sur Terre vont avoir un nombre de carbones pairs. Et donc des acides carboxyliques avec où on retrouvera un excès de nombre de carbone pair par rapport à un nombre de carbone impair sera signature de vie sur Terre. Et on peut imaginer qu'on aura des schémas, pas forcément identiques à celui-ci, mais des schémas chimiques qu'on retrouvera sur les corps extraterrestres et qui pourront être un autre indice de vie. Et combiner tous ces indices ensemble vont permettre justement de pouvoir aller plus vers la biosignature. Donc ce concept de on est sur une origine vivante de ce système. Sur une accumulation de preuves, en fait. Une accumulation de preuves qui soit suffisante pour, comme on parlait tout à l'heure de Carl Sagan qui disait que... Ah oui, c'était Carl Sagan, voilà, c'est ça. Pour avoir pour faire une annonce extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. On a le concept de l'épreuve de la conférence de presse. C'est-à-dire à quel point on est confiant dans le fait que nos indices sont en faveur d'une origine vivante de notre système pour le dire à une conférence de presse au monde entier, on a trouvé la vie. Il faut être très confiant, parce que si on le dit et que ça se révèle faux, la carrière est fichue. C'est ça. donc ces indices cumulés qui vont donner une confiance, et à partir de quel niveau de confiance on est suffisamment sûr pour dire on est sur un système vivant extraterrestre. Il y a donc ces éléments ou ces indices agnostiques. Quels seraient également, Sylvain Bernard, qu'est-ce qu'on recherche en fait? C'est-à-dire que il y a plusieurs types de lieux où on va chercher dans des prélèvements quand on peut y aller, Mars ou Vénus, mais quand on est très loin, quels sont les types de signatures que l'on pourrait chercher et qui pencheraient très lourdement dans le sens des indices qui pencheraient dans le sens d'une signature? Quand on est très loin, c'est encore plus compliqué, parce que ça veut dire qu'on va chercher des traces du vivant à l'échelle d'une planète entière, ou en tout cas à l'échelle de ce qu'on peut détecter de très loin. Ce qui veut dire qu'on n'est plus en train de chercher quelques formes de vie ou des traces de quelques formes de vie. On est en train de chercher ce qui a impacté toute une planète à son échelle entière. Et donc, enfin, c'est vraiment compliqué. Là, dans l'idée, on va chercher des anomalies atmosphériques. Ils vont chercher avec des télescopes très très compliqués, hein. Mais on va aller chercher des présences de gaz qui sont pas forcément attendues d'après ce qu'on imagine de la formation de ces planètes. La vraie difficulté là-dedans, c'est que, à nouveau, on plaque un modèle sur une donnée, et donc on interprète ces données, on peut l'interpréter de différentes façons. C'est jamais très simple. Et pour revenir à ce que disait Caroline tout à l'heure, quand on a plusieurs indices différents, on peut réussir à construire un argumentaire qui est un peu plus convaincant. Mais à la fois, si chaque indice pris séparément est pas forcément très solide lui-même, en avoir plusieurs, en fait, ça donne un édifice qui est lui-même pas très, voilà, ça ne solidifie pas tout, quoi. Mais est-ce que par exemple il y a des gaz qui seraient indiscutables? Est-ce que par exemple de faire de la spectroscopie et trouver une forte concentration d'oxygène, d'ozone, ça voudrait dire bingo? Non. En fait, on peut expliquer beaucoup de données, beaucoup de choses, beaucoup d'observables par des processus complètement abiotiques, c'est-à-dire qu'ils font pas du tout intervenir le vivant. Donc non, comme ça, a priori, il n'y a pas un gaz qui peut constituer une biosignature en tant que telle. Est-ce qu'on pourrait imaginer la détection, par exemple, de polluants atmosphériques, Caroline Frayssinet? Ou est-ce que là on frôle les limites de la science-fiction? Alors, si on est sur un système exoplanétaire, on va, comme disait Sylvain, on va rechercher une vie qui aurait impacté la planète entière. Et si on fait qu'on regarde en rétro la Terre depuis une exoplanète, voilà, est-ce qu'on verrait finalement ces polluants? Sur Terre, notre polluant principal, c'est quand même le CO2, et le CO2 est également expliqué de manière abiotique. Donc notre polluant principal, c'est l'oxygène, en fait. Le polluant principal, c'est l'oxygène. Ouais, le polluant de la vie, c'est l'oxygène. Oui, enfin, en fait, il y a sans la vie, il n'y aurait pas d'oxygène dans l'atmosphère sur Terre. Donc en fait, si on voulait donner une biosignature de la Terre, ce serait l'oxygène si on la regardait de loin. Après, on pourrait très bien avoir de l'oxygène sur une planète sans qu'il y ait du tout de vivant. En fait, c'est la vraie difficulté de ce qu'on est en train de faire, hein, de chercher des traces de vie ailleurs. En fait, on n'a aucun paramètre, aucun indice, aucun critère univoque. Qui soit excluant de tous les autres. Est-ce que, alors, ensuite, sur la question peut-être du nombre d'indices, effectivement, par exemple, si on prend le cas concret de Vénus, on a une suspicion de phosphine. Maintenant, on sait qu'il y a la sonde BepiColombo qui va passer à proximité, qui va essayer de refaire des détections au passage. On va renvoyer des missions. C'est-à-dire qu'à quel moment on peut se dire le nombre d'indices est suffisant pour poser une hypothèse un peu solide, Caroline Frayssinet? Donc déjà, il faudra confirmer cette présence de phosphine. Donc il y a non seulement des missions futures qui vont regarder. Il y a également, suite à cette découverte dans Nature, ça a été de regarder des données anciennes pour essayer de trouver de la phosphine sur ces données anciennes. Donc c'est un papier qui n'a pas encore été peer review et qui malheureusement n'a pas de base très très très forte. On en parlait hier dans le Journal des Sciences, on va vous renvoyer, on va vous mettre le lien, mais effectivement on suspecte que Pioneer ait détecté en 1978 déjà de la phosphine, mais on n'en est pas tout à fait sûr, et ça demande effectivement à être revu par les pairs. Oui, exactement. Ça demande à être revu par les pairs, et donc pour l'instant ça n'a pas du tout été prouvé, et pour avoir regardé le papier, c'est vrai que les arguments ne sont pas très forts. Mais pour en venir à la question initiale, donc déjà détecter pour sûr la phosphine, ça serait déjà la première étape. Et ensuite, il va falloir vraiment regarder plus en détail, rechercher directement des bactéries, par exemple, dans les nuages. Donc il va falloir envoyer une sonde qui n'est pas prévue pour l'instant pour aller rechercher de la vie directement dans les nuages. Et c'est uniquement comme ça qu'on pourra confirmer qu'il y a de la vie sur Vénus. Et jusque-là, on ne peut pas dire ça, on en est très très loin. C'est Bernard? Je suis tout à fait d'accord. En fait, à nouveau, vu qu'on n'a aucun critère univoque, il faut qu'on aille faire des prélèvements, il faut qu'on puisse les ramener sur Terre, c'est encore mieux, les analyser avec toutes les meilleures techniques qu'on a à notre disposition, et là seulement, on pourra donner une réponse, sachant qu'il sera beaucoup plus simple de trouver de la vie vivante que de trouver des traces de vie. Et ça, c'est bien ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette émission, comment faire des prélèvements sur Vénus, sur Mars, les ramener, les analyser, qu'est-ce qu'on peut chercher, qu'est-ce qu'on peut trouver. On en discute dans un instant. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Is there life on Mars? Tiens donc, David Bowie dans la méthode scientifique, quelle surprise! Il est 16h33, vous écoutez évidemment Life on Mars, et la question qu'on se pose, pas seulement sur Mars, sur Vénus, ou ailleurs, comment, quels seraient les signes que l'on pourrait trouver et comment les trouver, les bio-indices, les biosignatures, bien l'accumulation d'un certain nombre d'indices qui pourraient nous permettre de conclure à un moment donné avec beaucoup de preuves et des preuves très solides, comme on l'a entendu dans la première partie, qu'il peut y avoir de la vie ailleurs que sur notre planète Terre. Nous en parlons avec Caroline Fraissinet, qui est chercheuse CNRS en astrochimie au laboratoire Latmos à Guyancourt, et Sylvain Bernard, qui est géochimiste à l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie de Sorbonne Université, du Muséum national d'histoire naturelle et du CNRS. Alors, quand on pense biosignature ou bioindice, on a la plupart du temps en tête l'analyse spectrographique des atmosphères d'exoplanètes lointaines à la recherche, comme on le disait, d'ozone, voire de polluants atmosphériques. Bon, on a vu que c'était plus compliqué que ça. Mais la recherche de bioindices, c'est donc aussi plus pragmatiquement la collecte et le retour de prélèvements géologiques sur Terre. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est justement l'une des missions du rover Perseverance qui vient de décoller dans le cadre de la mission Mars 2020. Oui, et la mission générale de Mars 2020 est de chercher des traces de vie fossile. Et l'instrument SuperCam est conçu pour analyser chimiquement les roches martiennes grâce à une méthode appelée spectrométrie Raman, et dans l'infrarouge, il sera capable de détecter des matières organiques et même des acides aminés enfouis dans le sol. Olivier Bessac est directeur de recherche au CNRS et il a travaillé sur le développement de SuperCam. Je l'ai retrouvé autour d'une expérience sur banc d'essai. Alors si tout est sous contrôle en conditions de laboratoire, l'enjeu est évidemment de faire fonctionner l'instrument une fois arrivé sur Mars, c'est-à-dire en février 2021. Le Raman, c'est une technique de spectroscopie vibrationnelle. L'idée, c'est qu'on utilise un laser pour exciter les vibrations au sein d'une cible, qui peut être un minéral ou qui peut être une molécule organique. Et donc, il va venir en complément de l'autre technique qui existait sur ChemCam et qui existe aussi sur SuperCam, qui s'appelle le LIPS. Le LIPS permet, par exemple, si je tirais avec l'instrument ChemCam sur une roche, je pourrais voir il y a du carbone. Mais je pourrais pas ou difficilement dire sous quelle forme est ce carbone. Avec le Raman ou l'infrarouge, par contre, je vais être capable de dire quel est le type de molécule. Est-ce que c'est une molécule de type acide aminé, ou est-ce que c'est simplement un hydrocarbure, ou toute forme de molécule organique. Alors ici, on a devant nous, au-dessus de nous, un prototype. Si on pouvait décrire, là, il est là, assez... Là, il prend tout le volume de la pièce. L'instrument qu'on a ici, en fait, fait... rien que le laser, par exemple, fait la dimension de l'instrument SuperCam dans sa globalité. Il a tout un circuit optique qui est compliqué. Et en termes de poids aussi, il est lourd. L'instrument SuperCam fait à peu près une dizaine de kilos. Évidemment, on l'envoie dans l'espace, on décolle. Donc, tout, chaque gramme compte. Alors, comment fonctionne ce banc d'essai? Alors, on a un laser qui est là-bas, donc si on veut aller le voir, on va mettre des lunettes, hein, parce que c'est un laser de puissance. Le laser qu'on a, nous, c'est typiquement le genre de laser qu'on utilise pour découper des tôles d'acier, donc c'est extrêmement puissant. Ce laser, il y a tout un système optique qui permet de l'amener à 8 mètres sur un échantillon qu'on dispose là-bas, à l'autre bout de la pièce. Alors, vous voulez que je l'allume pour voir? Oh, bon, on va l'allumer, vous mettez des lunettes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le laser sort, il est dans une boîte pour être protégé. Et puis, il y a ce qu'on appelle des shutters, c'est-à-dire des éléments mécaniques qui le stoppent. Donc là, je vais ouvrir un de ces shutters et le laser va partir. Alors là, on a les lunettes, on peut pas le voir. Par contre, si je mets un papier dans son chemin, vous le voyez là. Il est là, il monte ici, voilà. Donc on trace son chemin comme ça et il part dans le tube à l'autre bout de la pièce. Alors là, il circule sur plusieurs mètres. À l'autre bout de la pièce. On revient à l'autre bout de la pièce. Grosso modo, ce laser, pour l'emmener sur l'échantillon, on utilise deux types d'optiques, des miroirs qui le guident et des lentilles qui permettent de l'agrandir, de le focaliser, etc. Donc ce laser, il arrive sur l'échantillon et qui est ici. C'est quoi comme échantillon ? Du gypse, en fait. Alors le gypse, c'est un sulfate de calcium hydraté. C'est un minéral qu'on a reconnu sur Mars. Ça, ChemCam l'a reconnu, a fait des analyses. C'est un minéral qui est très intéressant, je vais vous montrer après, parce que c'est un minéral qui est hydraté, c'est-à-dire qu'il a de l'eau dans sa structure. Donc c'est un de ces minéraux qui a permis de montrer que l'eau avait été présente à la surface de Mars. D'accord ? Donc là, j'ai excité mon échantillon avec le laser. Et de l'autre côté, ce que j'ai, c'est un télescope ici. Et ce télescope, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il collecte la lumière. Hein, d'accord ? Et toute cette lumière vient à un dispositif optique un petit peu compliqué. Il va l'insérer dans une fibre optique qui se situe ici. Et cette fibre optique l'envoie vers un outil qui s'appelle un spectromètre, équipé d'un détecteur qui va permettre, lui, d'analyser la lumière et de créer mon spectre, qui va être l'information scientifique que je vais rapatrier de Mars. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, vous allez voir le gypse. Je vais lancer la manip. Donc, je vais envoyer mon laser sur le gypse. Voilà. Combien de temps ? Alors, vous allez voir, ça va être immédiat. Hein. Le laser est sur l'échantillon. Je vais mettre en route la manip. Évidemment, tout ça est piloté par ordinateur. Donc là, j'ai un logiciel qui me permet de voir directement ce qui arrive sur mon détecteur et de piloter mon spectromètre. Alors, on a ce qu'on appelle un spectre. C'est un graphe avec, en abscisse, la longueur d'onde et en ordonnée, une intensité. Donc, il y a certains pics qui vont apparaître. Un pic, par exemple, qu'on voit à l'écran, plus important que les autres, qui correspond à la vibration. Donc, on a mis un gypse. Dans le gypse, il y a du soufre et de l'oxygène. Il y a ce qu'on appelle des groupements sulfates, SO4. Donc, il y a des liaisons entre le soufre et l'oxygène. Et ces liaisons, en fait, elles vibrent. Et c'est le couplage de mon laser avec cette vibration qui apparaît à l'écran ici et qui me génère ce pic assez important. Et ce qui est intéressant avec la technique, je vais vous montrer, c'est que si je déplace mon spectromètre et que je vais regarder une autre zone du spectre, vous allez voir un autre pic qui apparaît ici, qui est assez important. Et ça, c'est important parce que c'est des pics qui correspondent à l'eau. Il y a deux pics, et ça, c'est la vibration. L'eau, c'est H2O, donc il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Et là, je regarde la vibration entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Donc là, j'ai un marqueur direct de la présence d'eau dans mon minéral. Du coup, pour la mission, j'imagine que ce ne sera pas aussi simple d'enclencher le laser, d'avoir aussi rapidement des informations sur les structures atomiques. Comment ça se passera, la prise d'informations? Alors, vous avez raison, nous on est au laboratoire, on n'a pas toutes les contraintes qu'on a sur Mars. SuperCam, c'est un bijou technologique en termes d'ingénierie. On a beaucoup travaillé sur l'instrument avant de l'envoyer sur Mars, donc on sait quelles sont les conditions analytiques qu'il faut utiliser, et en fonction du type de cible qu'on aura, on lancera tel ou tel type de protocole opérationnel. Donc le robot va atterrir en février 2021. On est tous impatients de voir quel sera le résultat notamment du Raman. C'est la première fois qu'on l'envoie, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc là, on est tous impatients de voir qu'est-ce que ça va donner et quel est le type de signal et de qualité du signal qu'on va recevoir. Voilà, tout savoir sur cet instrument SuperCam, cet instrument franco-américain embarqué à bord du rover Perseverance qui doit arriver le 18 février 2021 sur la surface de la planète rouge. Et si tout va bien, si tout se passe according to plan, comme on dit en anglais, si tout se passe en suivant le plan, normalement, les échantillons prélevés devraient revenir sur Terre aux alentours de 2031. Mais il y a un peu de boulot, Sylvain Bernard. Il y a quelques étapes avant 2031. Que le rover atterrisse, qu'il arrive à prélever les échantillons. Et ensuite, le plan, c'est qu'il y ait un autre rover qui aille les collecter là où celui-là va les déposer, qu'il y ait une fusée qui redécolle de Mars, qui rencontre une autre fusée dans l'orbite de Mars et qui revienne. Donc bon, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, mais on y croit. Qu'est-ce qu'on attend, Caroline Frécine? Alors c'est toujours difficile de faire de la prédiction, c'est pas ce que je vous demande, mais en fait de cette mission Perseverance, de ces prélèvements, qu'est-ce qu'on va chercher en fait? Initialement, le retour d'échantillons, c'était vraiment pour aller rechercher de la vie sur Mars avec des instruments de laboratoire, des instruments de dernier cri qu'on pourrait utiliser. Parce qu'il faut savoir que quand on planifie une mission, qu'on conceptualise des instruments, le temps de les conceptualiser, de les fabriquer, de les envoyer et qu'ils fassent les analyses sur une autre planète, ils sont déjà obsolètes, puisqu'il peut se passer presque 20 ans selon les planètes sur lesquelles on va chercher, entre le moment où on fabrique l'instrument et le moment où il fait ses analyses sur l'autre planète. Alors que si on ramène des échantillons de Mars en laboratoire, on aura les outils dernier cri pour faire ces analyses. On n'aura pas de limitation de puissance, on n'aura pas de limitation d'étape expérimentale, on pourra vraiment faire le meilleur de la science qu'on sait faire en laboratoire, contrairement aux conditions que je vais appeler dégradées qu'on utilise sur des instruments in situ. Mais du coup, ce rover Perseverance, qu'est-ce qui va, ou plus tard d'ailleurs, on peut parler d'ExoMars aussi, qui est la mission européenne qui part en 2022, on recherche quoi précisément? Parce qu'on sait à peu près aujourd'hui, de façon quasi certaine, que la surface de Mars, elle est vitrifiée, en tout cas elle est cramée, qu'il n'y a plus rien qui survit a priori avec toutes les précautions nécessaires, on ne sait jamais, mais qu'a priori, il n'y a plus grand-chose qui vit à la surface. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Dans quel type d'endroit? Dans quel type de roche? À quel type de profondeur? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose là juste en dessous, mais à 50 mètres, à 100, à 50 mètres, à 2 mètres, à 20 centimètres, je ne sais pas. Donc voilà, la grosse différence entre Persévérance, effectivement, et ExoMars, c'est que Persévérance va récolter des échantillons de surface et les mettre dans des tubes qui vont rester en surface de Mars pendant quelques temps avant d'être récupérés par un futur rover, ramenés sur Terre pour faire des échantillons, des analyses poussées en laboratoire, mais sur des échantillons qui ne sont pas forcément les plus optimales, les plus optimaux pour aller rechercher des traces de vie. Contrairement à ça, on a ExoMars qui est vraiment une mission exobiologique, donc qui a pour but d'aller rechercher la vie avec des instruments in situ, donc directement sur Mars. ExoMars ne ramène rien sur Terre. Par contre, il va creuser Mars à 2 mètres de profondeur. Et à 2 mètres de profondeur, on imagine que les molécules vont être beaucoup plus préservées qu'en surface. Donc les analyses vont être moins poussées que des analyses de retour d'échantillons, mais dans des environnements qui vont être plus propices à une préservation de traces de vie passées sur Mars. Sylvain Bernard ? Ouais, le Persévérance, une des missions de Persévérance, c'est de ramener des échantillons, mais pas forcément en les sélectionnant au hasard. Donc c'est pour ça que Persévérance a quand même des instruments, et c'est ce qu'Olivier Bessac disait. Il y a notamment le laser qui va être en haut du mât. C'est l'instrument Supercam, qui va pas faire que du ramant, qui va faire du LIPS, qui va faire du ramant, qui va faire de l'infrarouge. Et puis il y a d'autres instruments, il y a un autre ramant qui est lui plus dans l'UV, il y a un détecteur élémentaire qui s'appelle Pixel, enfin il y a pas mal d'instruments malgré tout, avec dans l'idée qu'on va essayer d'aller cibler les roches les plus intéressantes pour les prélever ensuite et effectivement les ramener. Mais déjà sur Mars, on aura beaucoup d'informations sur la nature de ces roches et ce qu'elles contiennent. Effectivement, ExoMars, c'est une stratégie complètement différente. Et donc c'est très intéressant qu'on ait ces deux missions-là, parce qu'il y a vraiment deux stratégies différentes. ExoMars va creuser un peu plus profondément, mais bon, Persévérance va quand même creuser à 20 cm. Bon, ça, alors on n'ira pas mesurer directement ce qu'il y a au fond du trou à 20 cm, mais ce sera ramené sur Terre. ExoMars va donner une toute autre information avec des outils qui sont quand même assez similaires. Bon, il y a MoMA, c'est-à-dire qu'on va aller regarder les molécules organiques, mais il y a quand même un ramant aussi. Et donc, on va pouvoir comparer les données obtenues avec ces deux rovers et ces deux sites différents. Enfin, on va avoir beaucoup d'informations. Si les deux missions arrivent à atterrir correctement, on va avoir beaucoup d'informations. C'est une chouette période. Caroline Frécinet? Oui, faut préciser que Persévérance, c'est principalement un rover à but géologique et pas à but exobiologique. Et le retour d'échantillons n'était pas prévu à partir de Persévérance. Persévérance devait prendre des échantillons et les déposer à la surface de Mars en tant que démonstrateur technologique. Et une mission supplémentaire devait aller avec des instruments à but exobiologique, devait aller sélectionner des échantillons ultérieurs, utiliser la technologie qui aura été démontrée par Persévérance pour choisir les meilleurs échantillons à ramener sur Terre. Donc Persévérance va avoir des instruments, les deux ramants dont Sylvain a parlé pour choisir les meilleurs échantillons parmi ceux auxquels il aura accès. Mais une mission intermédiaire devait, et a été malheureusement annulée, aller vraiment rechercher les échantillons les plus propices à trouver des traces de vie ramenées sur Terre pour effectuer ces analyses. Ça c'est pour Mars. Est-ce qu'il y a d'autres missions à venir à moyen terme, disons, peut-être à long terme, d'analyse d'échantillons, pas forcément pour les ramener, mais en tout cas sur d'autres objets, sur d'autres astres du système solaire? Je pense par exemple à Titan. Caroline Frécinet? Bah oui, là tout de suite vous me touchez au cœur. Je sais bien. Et donc pour Titan, on a une mission qui est prévue à l'horizon 2034, l'atterrissage, avec un décollage qui vient d'être poussé à 2027 au lieu de 2026 à cause de la crise sanitaire du moment qui touche les finances de la NASA. Et cette mission, c'est Dragonfly. Et Dragonfly a un but exobiologique clairement établi. On va aller rechercher des molécules organiques. On va aller comprendre comment la chimie, qui est extrêmement complexe à la surface de Titan, parce que Titan a une atmosphère qui est... Il faut peut-être préciser ça, parce que qui est Titan, ou oui. Pourquoi, et pourquoi Titan particulièrement? Titan qui n'est pas une planète, qui est un satellite de Jupiter. Exactement. Un satellite de Saturne. De Saturne, pardon, excuse-moi. Et donc Titan est un satellite de Saturne. C'est le deuxième plus gros satellite du système. système solaire qui est un petit peu plus gros que notre Lune à nous. Donc c'est vraiment un gros satellite. Il a une atmosphère qui est 4 fois plus dense que l'atmosphère terrestre. Et cette atmosphère correspond aujourd'hui à ce qu'on pense être l'atmosphère primitive de la Terre. L'atmosphère primitive de la Terre, c'est l'atmosphère donc dans laquelle la vie s'est créée sur Terre. Et aujourd'hui, Titan a cette atmosphère. Qui est une atmosphère de... Une atmosphère d'azote qui contient également du méthane et à moindre mesure de l'éthane. Et cette combinaison entre les atomes d'azote, de carbone et d'hydrogène vont créer une chimie qu'on sait reproduire plus ou moins en laboratoire. Et cette chimie, on sait qu'elle est complexe, mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau de complexité elle a pu atteindre à la surface de la planète. Donc on sait qu'on va créer des molécules organiques dans l'atmosphère, que ces molécules vont sédimenter jusqu'à la surface et que en sédimentant, elles vont se complexifier. En surface, il y a eu de l'eau liquide à une certaine époque. Il peut y en avoir encore aujourd'hui au niveau de cratères d'impact, donc des météorites qui vont impacter la surface, qui vont faire fondre la croûte de glace qui se trouve à la surface de Titan pour créer de l'eau liquide pendant plusieurs millions d'années. Et donc cette interaction entre les molécules, l'eau liquide, on revient à cette habitabilité justement qui montrerait que Titan a pu être dans un passé plus ou moins proche, habitable, et donc pourrait avoir développé des formes de vie. Donc avec Dragonfly, on va aller rechercher ces molécules, comprendre la chimie à l'échelle planétaire. Là, on a vraiment un laboratoire à l'échelle planétaire au niveau de Titan. Et Dragonfly, c'est un drone qui va pouvoir se déplacer grâce à cette atmosphère qui est beaucoup plus dense sur Titan que sur Terre, sur plusieurs kilomètres de distance pour faire des analyses sur plusieurs sites d'intérêt au niveau de l'équateur de Titan. Un mot de, peut-être juste rapide de rappel aussi, c'est que Titan, donc, c'est un satellite de Saturne, on est très très loin du Soleil. S'il y a toute cette activité, c'est qu'il y a une autre forme d'échauffement qui permet du coup à cette chimie de se créer, de pas être juste une simple lune glacée où il ne se passe plus rien. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on va avoir une chimie qui va être extrêmement lente, donc même si elle est complexe, elle va être beaucoup plus lente qu'avec des températures plus élevées. On est à moins 270 en degrés Celsius, moins 90 K en Kelvin, à la surface de Titan. Donc la chimie est extrêmement lente. L'apport énergétique du Soleil est quand même là. Donc pas suffisamment pour permettre une chimie rapide ou pour permettre d'avoir des panneaux solaires qui vont alimenter notre drone. Donc on est alimenté par une énergie nucléaire. Mais on a quand même la chimie qui va pouvoir se développer. Et on dit que sur Titan, il y a des cycles du méthane qui sont comparables aux cycles de l'eau. Sur Terre ? Oui. On a des lacs de méthane, de méthane et d'éthane liquides, des rivières. On a pu observer des marées sur ces lacs et on a des pluies de méthane qui vont s'observer sur Titan avec du méthane dans l'atmosphère. Et donc c'est vraiment comparable au cycle de l'eau sur Terre et c'est un cycle d'hydrocarbone qui se trouve sur Titan. C'est là que se trouve au pôle nord de Titan qui est donc pas une cible pour Dragonfly puisque Dragonfly va rester au niveau de l'équateur même s'il peut voler à plusieurs kilomètres de distance, il n'ira pas jusqu'au lac de Titan. Un mot sur cette chimie titanesque, Sylvain Bernard. Ouais, non, c'est vraiment intéressant parce que si Titan est vraiment un analogue de ce qu'était la Terre il y a 3 milliards, 4 milliards d'années. En fait, même s'il n'y a pas de vie sur Titan, même si on n'en trouve jamais, on apprendra quand même énormément de choses sur ce qu'il a pu se passer sur Terre. Et ça, c'est inespéré quelque part. Et alors donc ça, c'est pour des missions dans notre système solaire où on va envoyer des sondes ou des rovers. On a vu, alors on en a reparlé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Caroline Frézinet, mais c'est vrai qu'a priori, depuis cette annonce de Phosphine, il y a a priori des nouvelles missions pour Vénus qui vont certainement naître dans les années à venir assez rapidement. On sait qu'il avait été question de Zeppelin, en fait, parce que sur le sol de Vénus, c'est un enfer total. Mais pour pouvoir être un peu comme ça dans les nuages atmosphériques, c'est ça l'idée ? Voilà, l'idée c'est que la surface de Vénus à plusieurs centaines de degrés, puisque 500 degrés, est beaucoup trop difficile comme environnement pour que des sondes puissent survivre plus de quelques minutes. Donc il faudrait plus aller étudier au niveau des nuages. Et il faut savoir qu'il y a des projets, notamment américains et aussi des projets européens qui sont en cours de sélection, donc des instruments qui sont en cours de développement et en attente de sélection pour partir sur Vénus. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Justement, finalement, cette fausse fine d'en avoir fait tout un foin pour une sélection de ces missions sur lesquelles des laboratoires français sont impliqués. Ce serait du coup des missions très très différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que ce serait, j'ai vu, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que ce serait des drones? Est-ce que ce serait des petits dirigeables? Je sais pas du tout. C'est vraiment des conditions très particulières sur Vénus, parce que il fait effectivement plus de 450 degrés à la surface, mais même dans l'atmosphère, on a des nuages d'acide sulfurique, il pleut de l'acide sulfurique, donc il faut des matériaux, enfin, il faut des choses très résistantes. C'est complètement différent de ce qu'on a de Mars, typiquement. Et alors ça, c'est pour les missions in situ, j'ai envie de dire, dans notre système solaire. Un mot peut-être aussi des futurs télescopes, ou enfin de ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on va pouvoir améliorer notre capacité de vision à distance, notre capacité d'analyse des atmosphères, de spectrographie de planètes un peu plus lointaines ou un peu moins lointaines, parce que TRAPPIST, finalement, c'est pas si loin que ça, c'est là, Bernard? Je pense que oui, enfin, on améliore toujours les outils. Caroline disait tout à l'heure que quand on envoie une mission sur une planète, les outils sont imaginés, construits bien des années avant qu'on s'en serve. Pour le coup, quand on utilise des télescopes depuis la Terre, en fait, on les utilise directement. Donc on a une avance technologique à ce niveau-là qui est dingue et qui progresse tout du long. De là à dire que c'est grâce à ces télescopes qu'on va détecter des biosignatures ou en tout cas des traces du vivant, je suis vraiment pas certain que ce soit la façon de faire. Oui, Caroline Frécinet, là-dessus. Oui, je pense que pour rechercher des biosignatures telles qu'on en a discuté tout au long de cette émission, c'est plutôt en recherchant in situ des choses précises à l'échelle moléculaire qu'on va pouvoir trouver des traces de vie sur des planètes, donc du système solaire en premier lieu, avant de passer sur des observations à distance et de définir de nouvelles biosignatures sur des exoplanètes. Et après les biosignatures, on parle de biosignatures traces de vie, mais on peut très bien imaginer une biosignature qui n'est rien de vivant. Par exemple, si on trouve sur Titan, pour rester dans l'actualité de Roland Garros, une raquette de tennis, va pouvoir dire qu'on a trouvé de la vie sur Titan. Pourtant, une raquette de tennis, elle est en fibre de carbone, ça n'a rien à voir avec du vivant. Des artefacts. C'est une technologie. C'est une technologie, et on appelle même ça une technosignature, donc c'est un nom particulier de biosignature, et c'est des formes de vie qu'on pourrait éventuellement trouver sur d'autres planètes. Alors bon, c'est un peu impensable dans le cadre du système solaire, parce qu'on va plus rechercher au niveau moléculaire, donc des traces chimiques. Même sans aller jusqu'aux technosignatures, on a aussi des phases minérales, des minéraux, donc qui n'ont rien à voir avec de la matière organique, qui sont produits par le vivant. On en produit nous, hein, on fait des os, on fait des dents. Il y a plein de bactéries qui produisent des phases minérales qui sont produites donc par le vivant et donc qui seraient potentiellement considérées comme des biosignatures. On a longtemps pensé que l'argile était une biosignature, alors qu'en fait, on se rend compte. Alors ouais, c'est un peu différent. Il y a eu toute une théorie qui date des fin des années 60 où les minéraux argileux ont été décrits comme les premières formes du vivant. C'était, j'ai jamais trop su en fait si c'était provocateur de la part de cet auteur. Il s'appelait Kent Smith. Mais en fait, ça répondait parfaitement à la définition du vivant qu'on avait à l'époque. C'était des systèmes qui peuvent se reproduire, qui peuvent transmettre de l'information, qui sont pleins de défauts. Ouais. Ça marchait très bien et donc, bon. Mais on a plein de phases minérales qui sont produites par le vivant et qui ont des signatures chimiques qui sont très spécifiques au métabolisme qui les produisent et donc qui sont, si on les trouve, qui sont des biosignatures ou qui pourraient l'être en tout cas. Et un dernier mot, puisqu'on parle de technosignatures, on a parlé souvent de SETI, maintenant il y a le programme Breakthrough Listen, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse recevoir un message, des ondes, qu'on puisse détecter des ondes. Ça, il faut tuer les rêves de tout le monde, de toutes les auditrices et les auditeurs. On n'entendra jamais rien de l'espace pour des raisons statistiques. Je ne pense pas qu'il faille tuer les rêves. Moi, en tant qu'ado, j'avais le programme CD installé sur mon ordinateur. Le fond d'écran en veille, l'ordinateur en veille qui recherchait le signal. Et je passais des minutes entières à regarder ce signal et à dire que je participais à un grand événement de recherche de techno-signature extraterrestre. Effectivement, les chances sont quand même relativement faibles. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait une concordance dans le temps et dans l'espace pour recevoir un signal. C'est quand même très peu probable, mais je pense pas qu'il faille tuer les rêves. C'est aussi les rêves qui définissent des ambitions scientifiques. Un mot de conclusion rapidement. Ouais, il y a quand même une hypothèse très forte dans SETI, c'est que l'évolution du vivant amène à l'intelligence et à la communication via des signaux électromagnétiques. Là, sur Terre, on a quand même, nous, une chance inouïe d'être là. Alors, d'être là aujourd'hui, mais serait-ce que l'homme, parce que c'est vraiment un concours de circonstances infinies. Et si vous voulez en savoir un peu plus, on avait consacré une émission entière au paradoxe de Fermi. On avait appelé ça extraterrestre, il est Fermi d'en douter. C'est encore un jeu de mots absolument consternant. On va vous remettre le lien vers cette émission sur notre fil Twitter. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci à Caroline Fraissinet, merci Sylvain Bernard d'être venu nous parler de ces biosignatures. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Étienne, Céline Lozen, Nina Guetzin-Vulfron, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et YouTube, Diego Aclopez à la technique. Demain, pour la fête de la science qui a commencé vendredi dernier et qui dure bien jusqu'au 12 octobre, je crois, nous faisons une journée spéciale sur France Culture. C'est une journée spéciale consacrée à la question suivante: qu'est-ce que le Covid a fait à la science? Pour notre part, nous parlerons des liens entre la médecine et la recherche, des dialogues parfois un peu compliqués entre les représentants du corps médical et les scientifiques. Comment faire dialoguer science et santé? Ce sera notre question demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.